Ces dernières années, la Corée augmente la production des plants d'arbres. L'amélioration du niveau du perfectionnement scientifique, de l'industrialisation et de l'intensification dans la production des plants d'arbres et de nombreux succès dans la culture de masse des jeunes plants d'arbres ont permis aux pépinières des villes et arrondissements de produire chaque année en moyenne des millions de plants, au maximum un peu plus de 10 millions de plants. Ainsi, la quantité de production annuelle au niveau national est multipliée par plus d'1,6 fois par rapport au passé.